différent. Et dès le lendemain, on aurait le moins de temps. Ici, comme ailleurs, ce n'est pas important. La seule chose qui compte, c'est que ça dure longtemps. Tu sais bien que tu ne pourras pas résister à l'envie de chercher à assouvir tes désirs, à en mourir. De chercher à nous des désirs à en mourir.